Bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est le dernier samedi du mois et aujourd'hui on va s'intéresser à la saga du groupe Commodore. À ses débuts, Commodore était composé de Lionel Richie, Thomas McCleary, William King, Milan Williams, Walter Orange et de Ronald Lapreed. Jusqu'à son départ du groupe, Lionel Richie a été le chanteur et leader de la formation. L'histoire du groupe commence en 1968 en Alabama, plus précisément au sein de l'université de Tuskegee. En cet endroit, des jeunes hommes passionnés de musique se rencontrent et concoctent un projet ensemble. C'est ainsi que se crée le groupe The Commodore. Cette appellation ne fait pas référence à quelque chose ou quelqu'un de particulier. Les membres de la formation l'ont sélectionné sans trop y penser dans un dictionnaire. Moi, perso, ça me fait penser à l'ordinateur des années 80, le Commodore 64. Bon, à mon avis, c'est pas ça. Alors, six musiciens en herbe allient alors leur savoir-faire et leur talent. Lionel Richie, qui a vu le jour en 1949 dans l'état d'Alabama, est au micro, au piano et au saxophone. Thomas McCleary, lui, est né en 1950 en Floride, tout comme le trompettiste William King, qui lui est à la guitare aussi. Milan Williams est né en 48 et quant à lui au clavier. Ronald Lapreed, qui a vu le jour en 46 en Alabama, est à la basse, tandis que Walter Orange, un autre natif de Floride, est à la batterie et occasionnellement au micro. Yeah. Après le projet de former un groupe, The Commodore décroche un contrat auprès de la maison de disques Matin. Il s'agit du label des Jackson 5 qui cartonnait à l'époque. The Commodore est d'ailleurs sélectionné pour réaliser la première partie du groupe mythique au cours de concerts donnés dans différents pays d'Europe. La bande à Lionel Richie dévoile son premier single, Machine Gun, rapidement suivi d'un autre titre qui atteindra la première place des charts, Slippery When Wet, qu'on vient d'écouter. Après une première sortie de single, The Commodore enchaîne les albums. Le premier de la liste est Machine Gun, qui est dévoilé en 1974. Un an après, le public va découvrir Moving On. Par la suite, le groupe sortira pratiquement un album tous les ans. Commodore fait paraître respectivement Hot on the Track, Midnight Magic et Heroes en 1976, en 79 et en 80. En 1981, le chanteur principal de la formation, Lionel Richie, marie sa voix à celle de Diana Ross sur la chanson Endless Love. Ce titre ayant rencontré un succès planétaire, Lionel Richie va profiter de sa toute nouvelle notoriété pour se lancer dans une carrière solo, laissant ainsi tomber The Commodores un an après la sortie de la chanson. C'est pas trop bien ça, hein ? Après le départ de son chanteur vedette, le groupe engage un nouveau membre, J.D. Nicolas, qui participera à l'enregistrement du succès Night Shift, dont la sortie a été programmée en 1985. Ce sera le dernier opus de la formation sous le label Motown. Nous sommes en 1984. Le groupe Commodore tente de surmonter le départ de son chanteur charismatique Lionel Richie, parti tenter une carrière solo avec le succès que l'on connaît. La même année, la ville de Détroit, berceau de la Tamla Motown, va perdre prématurément deux de ses illustres enfants, Jackie Wilson à l'âge de 49 ans et Marvin Gaye à 44 ans. Le groupe Commodore change de stature et va rendre hommage à ses chers disparus à travers la chanson Night Shift. Les Commodore remporteront un Grammy Award en 1986, mais sans jamais vraiment faire oublier l'empreinte laissée par Lionel Richie. Alors, il faut savoir que Night Shift a été reprise aussi en 2010, modifiée pour rendre hommage à Michael Jackson. Singing proud. Oh, I bet you're full of pride. après avoir signé chez Polydor, le groupe décide de mettre en place son propre label, qui sera tout simplement baptisé Commodore Records. Parallèlement, les albums continuent de sortir. United, Rock Solid et No Tricks sortent en 1986, en 88 et en 93. Au fur et à mesure des sorties des disques, The Commodore se forge une réputation dans le monde de la musique. Il impose non seulement ses chansons aux sonorités funk et disco comme Brick House, Fancy Dancer, Say Yeah ou encore Too Hot to Trot, mais aussi pour ses belles ballades comme Three Time a Lady, issu de l'album Natural Height en 1978, ou encore Easy. Si Lionel Richie ne fait plus partie de la formation, The Commodore poursuit son bonhomme de chemin. D'autres membres du groupe vont quitter plus tard la formation. Thomas McCleary en 1982, Ronald Laprade en 86 et plus tard Milan Williams. Du fait que la plupart des membres originaux ont préféré prendre une autre voie, The Commodore perd petit à petit ce style et cette identité qui était la sienne. Sa musique va prendre un accent de plus en plus commercial et tend à devenir banale, sans être péjorative bien sûr. Dans tous les cas, le groupe ne connaîtra plus jamais le succès auquel il a goûté alors que Lionel Richie était au micro. Alors actuellement, The Commodore continue d'exister, eh oui messieurs dames, et il est composé de Walter Orange, J.D. Nicolas et de William King. On va se quitter sur Flying High. Je vous dis à la semaine prochaine, bon week-end, à bientôt, bye bye. Sunrise.